émission vous est présentée en partenariat avec l'École Saint-Fidèle. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le Radioton de CKRL en compagnie de Jean-Sébastien Grondin et de son émission Saint-Fidèle au poste. Cette émission que ça fait une dizaine d'années que je pilote grâce à la collaboration et la participation des élèves de l'école Saint-Fidèle à Limoilou. Un beau projet et on donne la parole aux enfants. C'est un magazine culturel fait par et pour les jeunes. Et aujourd'hui, dans le cadre du Radioton, on a décidé d'ouvrir les portes à les enfants de Saint-Fidèle, mais à leurs parents. Donc, vous savez, à Limoilou, on a un quartier diversifié, toutes sortes de gens qui y vivent, la gentrification aidant. On a des artistes, on a des savants, on a des scientifiques, on a même des politiciens. Et donc, ces élèves-là ont l'occasion de fréquenter mon école Saint-Fidèle, leur école Saint-Fidèle à Limoilou. Et ça me fait plaisir de vous accueillir ici même pour faire une mini-entrevue et faire un peu l'éloge de ces professeurs là et surtout donner la parole aux jeunes. Donc aujourd'hui, comme menu, nous allons avoir Étienne Grandmont et sa fille Séverine. Étienne Grandmont, vous connaissez, nouveau député de Québec solidaire dans Taschereau. On va avoir également en prestation aux alentours de 13h30 Alexandre Martel ainsi que notre co-porte-parole du Radioton de cette année, Lou-Adrienne Cassidy, en prestation et aussi en entrevue avec la fille d'Alexandre, Odile Martel. Mais pour débuter, on commence tout de suite avec deux passionnés de bande dessinée, c'est-à-dire, vous, sans introduction, vous le connaissez très bien, monsieur bande dessinée de CKRL, Raymond Poirier et son fils Lucien. Alors bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien. Donc Lucien, toi, tu as décidé d'interviewer ton père, question d'échanger sur votre passion commune, la bande dessinée. Oui. Alors je vous laisse aller. Allô papa. Allô Lucien. J'ai des questions à te poser par rapport à la bande dessinée jeunesse. Vas-y. La BD tout court, ça a commencé en quelle année? C'est dur de donner une date hyper précise. Si on veut être un peu chauvin, on pourrait dire que la première bande dessinée, elle a été produite ici au Québec en 1792. C'est une bande dessinée politique, une caricature politique dans un contexte d'élection. Mais cela dit, si on veut vraiment aller chercher la date précise, ça serait au 18e siècle avec un monsieur qui s'appelle Rodolphe Taffer, qui lui a eu l'idée de faire des histoires en gravure avec du texte en dessous. Et c'est ce qui a donné un peu l'essor, la base du langage de la bande dessinée. OK. Et ça, c'était en France, j'imagine, vraiment? Et en Europe, exactement. En Europe, France, oui. C'est ça. Donc, mais toi, tu as fait tes recherches, donc tu as retracé qu'il y aurait une première bande dessinée politique au Québec, en Nouvelle-France, 1792. Exactement. Ici, d'ailleurs, il y a une bande dessinée qui a été inspirée de ça, qui s'appelle 1792 à main levée, qui inclut cette pièce-là, qui est d'ailleurs aux archives de l'Assemblée nationale du Québec et qui a inspiré aussi à l'occasion du 100e anniversaire de l'Assemblée nationale. Là. OK. Moi, j'aime beaucoup la Jean-Jean, puis en fait, je me demandais, est-ce que c'est une des affaires qui a mené, une des BD qui a mené un peu la BD jeunesse québécoise vers d'autres, voyons. Ben, ça a donné un peu un essor, une sorte d'engouement avec la bande dessinée jeunesse, c'est ça? En fait, la Jean-Jean, ça a démontré la puissance et la force du marché québécois pour des produits québécois. J'ai envie de te dire qu'avant la Jean-Jean, il y a eu quand même des gros succès. On peut même aller en 1975 avec une BD qui s'appelle « On avait volé la Coupe Stanley » qui avait vendu 25 000 exemplaires. Donc, il y a toujours eu un certain intérêt, mais il n'y a jamais eu de structure pour permettre la diffusion d'œuvres québécoises au Québec. Ça a été long avant que ça se mette en place en dehors des magazines. Il y a eu des succès internationaux avant la Jean-Jean, on pense au Nombril, entre autres, mais la Jean-Jean, avec la force qu'il a eue sur le plan des ventes, sur le lectorat, sur l'impact qu'il y a eu au Québec, ça a amené beaucoup d'autres éditeurs à prendre des chances avec la bande dessinée québécoise en se disant que le marché québécois était potentiellement en mesure de supporter la bande dessinée québécoise. OK. Est-ce que, admettons, la Jean-Jean, là, ou ça peut être d'autres BD, sont jeunesse, sont aussi populaires dans d'autres villes ou dans d'autres pays? Bien, pour la Jean-Jean, je dirais que c'est un succès qui est d'abord québécois. Dans le fond, il y a eu des versions anglophones, il y a eu des versions qui ont été diffusées aussi en Europe. Et ça n'a pas la résonance ou le succès que ça a eu ici. On pourrait imaginer que peut-être que quelque chose dans l'humour et dans la particularité du ton qu'on retrouve dans cette BD-là, qui nous renvoie aussi pour vos parents, dans le fond, donc pour moi, à Safarir, par exemple, et à l'humour qui s'est développé avant avec Crow. Donc, on est en continuité dans un humour qui est absurde, dans un trait qui est rond, qui est rapide, qui est caricatural. Donc, ça résonne beaucoup au Québec, et ça explique en partie le gros succès que l'album a eu ici, mais il n'y a pas la même résonance à l'international. Je parlais des nombris tantôt. Ben, quand on regarde la francophonie en général, ben là, c'est plutôt les nombris qu'on va commencer à citer. À chaque année où les nombris étaient publiés dans les derniers tomes, ils étaient dans le top 5, dans le top 10 des publications à l'échelle mondiale sur le plan du nombre de livres imprimés à côté d'Astérix, à côté de Lucky Luke, à côté de Blake et Mortimer, à côté de Lou, de Julien Neal, entre autres. Quand on parle des nombris, on parle de cette espèce de gang de jeunes demoiselles là, qui, justement, c'est très girly, leur affaire, puis elles sont vraiment en vogue et dans la mode et tout ça, donc c'est ça. C'est une série qui a beaucoup évolué aussi avec le temps. Oui. Dans le fond, ça s'est pas limité à ça. C'était une série à gags au début qui s'est transformée progressivement dans une série à albums, et les auteurs avaient toujours le souci d'intégrer aussi des thématiques qui allaient permettre aux parents, parce que je pense que c'est l'intérêt aussi, aux parents de dialoguer autour de la bande dessinée. Donc, on apprécie un album, il est le fun, il est drôle, mais en même temps, on parle d'identité de genre, on parle d'intimidation, on parle de... Des thématiques actuelles qui sont très présente avec les jeunes enfants et même les préadolescents. Puis toi, Lucien, t'aimes ça discuter bande dessinée avec ton père? Puis c'est quoi votre lien? C'est quoi, mettons, votre bande dessinée préférée, les deux, ou ce que vous aimez échanger là-dessus? Je sais pas trop. C'est la question qui tue. La question qui tue, ben en fait, je sais qu'on a fait beaucoup de millages avec Créatures, entre autres. Oui, vous en avez parlé lors d'une précédente chronique. Créature, qui était quoi, en fait? Explique ça à notre auditoire. Des BD. Oui. Une série de BD où il y a comme un genre de monstre, des monstres, en fait, qui est venu. Puis genre, il manipule, il... C'est à dire, c'est comme si... mon Dieu. C'est un genre de monstre qui fait un truc aux gens. Fait que là, les gens, ils sont comme des semi-zombies humains. Puis là, ben, il essaye d'enlever les gens pour les mettre dans des enfants, pour les mettre dans des genres de bulles, dans un des tombes à un moment donné. Il essaye de faire ça. Puis, c'est la plupart des enfants qui sont encore vivants, ben, ils essayent de résister. Puis tu parlais de dialogue tantôt, ben veux pas, les auteurs ont mis aussi des éléments pour les adultes là-dedans. Ça réfère beaucoup à la mythologie de Cthulhu, à l'horreur de Lovecraft et à l'horreur en général. C'est pas une BD d'horreur, c'est une BD thriller, mais ça ouvre la porte à de l'exploration dans d'autres médiums. Donc ça a ouvert la porte à un intérêt pour le genre horrifique aussi, où ça s'est inséré dans cet intérêt-là que Lucien a. Et là, ben on peut s'aimer, on peut jaser, on va dans des thématiques un petit peu plus intenses avec des auteurs un peu plus sérieux. C'est là qu'on vieillit. Alors, en conclusion, messieurs, une dernière petite question, Lucien, avec ton père. Papa, c'est quoi les premières BD jeunesse qu'il y a eu au Québec? Ben, en fait, je dirais que c'était beaucoup en format magazine quand j'étais jeune, moi. Avant, c'est plus difficile un peu de retracer. Je dirais que c'était beaucoup les éditions Héritage qui en faisaient dans les années 70-80, où là, on allait copier des personnages, par exemple, l'aventure du Capitaine Bonhomme, donc pour nos grands-parents, dans ce cas-ci. Un peu avant, c'était beaucoup plus, disons, à partir des années 40-50, c'était des produits plus faits par l'Église catholique. Donc, pour amener les enfants aux valeurs morales de l'Église, donc, ils avaient identifié que la BD avait du potentiel. Donc, ça, c'est les premières BD jeunesse québécoises. Le catéchisme en BD. Puis, en parallèle de ça, c'est qu'il y avait tout le marché franco-belge, donc avec Astérix, Tintin, etc. Il y avait tout le marché américain avec les comic books aussi qui étaient rendus disponibles en français. Donc, la BD québécoise faite par des auteurs québécois édités au Québec a pris du temps avant de s'implanter. Et moi, les premières BD que je me rappelle, ben, c'est Les Safarires ou encore Les Débrouillards avec Beppo, les BD de Jacques Gostin. Donc, pour moi, c'est beaucoup les BD québécoises de mon enfance. Et Red Ketchup d'Ancro et Michel Godbout, exactement, compagnie. Merci beaucoup, Lucien. Merci, Raymond, de vous être déplacé pour nous faire partager cette passion-là. Continuez d'en discuter et surtout, continuez d'apprécier ce médium-là qu'est la bande dessinée qui est en plein essor au Québec. Alors, je vous remercie beaucoup. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, on va passer à notre prochain invité, c'est-à-dire notre député de Taschereau de l'Assemblée nationale, représentant du Parti Québec solidaire, Étienne Grandmont, et par le fait même, il est avec sa fille, Séverine, qui est une élève de troisième année, je crois, n'est-ce pas, Séverine? Troisième année. Quatrième année. Hein? Je vais te laisser à ton âge. Donc, bonjour, Étienne. Tu étais là hier donc pour le lancement du Radioton de CKRL. Ben oui, j'allais pas manquer ça. Ben non. Merci beaucoup de ton apport et surtout de ta collaboration. Donc, Séverine, Étienne, vous êtes là pour nous faire une petite entrevue père-fille. Pourquoi pas pour un peu démystifier le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Fait que, Séverine, je te laisse aller. Donc, ça va bien, papa? Ah, ça va tellement bien quand je suis au Radioton, là. Puis quand je suis avec toi. Donc, papa, c'est quoi ta profession que t'exerces? Ben, c'est comme je suis député à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai été élu le 3 octobre dernier. Puis, ben, je représente les gens de la circonscription de Taschereau. C'est le centre-ville de Québec, là, de l'autre côté de la rivière. Entre la rivière, le fleuve, le Vieux-Québec, puis le quartier Saint-Sacrement. C'est quoi tes futurs projets? Il y en a beaucoup des projets. C'est une question large que tu me poses là. C'est très bien. Mais écoute, moi, je suis toujours intéressé par la justice sociale, les enjeux environnementaux. Le transport en commun, le transport actif. J'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les 10 dernières années. La question du logement aussi, qui est très importante. J'ai travaillé dans ce domaine-là aussi avant. Donc, je te dirais que ce que je vais continuer à faire pour les prochaines années, les 4 prochaines années, d'ici 2026, d'ici la prochaine élection, c'est continuer à travailler sur ces enjeux-là. Mais dans mes nouvelles fonctions, avec des nouveaux leviers, avec des nouvelles possibilités. Donc, c'est très intéressant comme métier parce que ça me permet d'initier des choses puis d'être plus près, finalement, du gouvernement puis d'influencer le gouvernement. Ben, j'ai entendu que tu as dit le mot circonscription. J'ai pas vraiment compris. C'est quoi? C'est quoi une circonscription? Ouais. C'est une bonne question. Une circonscription, il y en a 125 au Québec, c'est-à-dire qu'on prend tout le Québec. Puis on le divise en 125 morceaux différents. Puis c'est pas 125 morceaux égaux, là. C'est 125 morceaux dans lesquels il y a à peu près tout le temps la même quantité de personnes. Puis dans chacune de ces circonscriptions-là, dans le fond, c'est à peu près entre 60 000 et 80 000, là, je dis ça à peu près, là, électeurs dans chacun de ces circonscriptions-là. Ben, il y a des élections. Les gens votent pour le député de leur choix. Ils peuvent voter pour quelqu'un de la Coalition Avenir Québec, du Parti libéral, de Québec solidaire, du Parti québécois, du Parti conservateur, puis il y a d'autres partis aussi. Puis celui qui amasse le plus de votes, dans le fond, va devenir député à l'Assemblée nationale, va faire partie des 125 personnes qui ont la responsabilité de... On a trois responsabilités là, comme député. La responsabilité de législateur, c'est-à-dire qu'on écrit les lois. Législateur, ça veut dire loi. De surveiller l'action du gouvernement. Donc, on surveille que François Legault et son équipe, c'est les autres qui sont au gouvernement en ce moment, bien, qui font les bonnes choses pour aider tout le monde au Québec. Puis le troisième rôle qu'on a, c'est représenter les gens de notre circonscription. Ça veut dire que les 60-quelques mille personnes qui m'ont élu, bien, je dois être à leur service, en fait. Je dois les aider à avoir des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions salariales, d'avoir un toit au-dessus de leur tête, etc., etc. OK. Puis la tienne, est-ce qu'elle est grande comparé aux autres? Ma circonscription? Ouais. En grandeur, tu veux dire? Ouais. Non, c'est une petite circonscription. Il y a des circonscriptions, comme je t'ai dit tantôt, le calcul des circonscriptions, il se fait sur un nombre de personnes. Fait que, tu sais, dans le nord du Québec ou dans le coin de, mettons, dans le coin de Baie-Comeau, la côte nord et compagnie, c'est ça exactement. Ben, ou la Gaspésie, ben, on a besoin de plus de territoire pour atteindre le 60 000, 70 000 personnes qui font une circonscription. Moi, j'ai une circonscription qui est très centre-ville. C'est l'ancienne ville de Québec. Là. C'est les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, un petit bout de Saint-Sacrement. Je n'ai oublié, je pense pas. Donc, comme il y a beaucoup de personnes, puis qu'il y a des bâtiments plus hauts, puis que tout le monde est un petit peu plus collé, ben la circonscription est petite. Puis, juste une anecdote pour montrer comment ma circonscription, elle est pas grande en superficie. toute la campagne électorale, je l'ai faite en vélo. Hein, à l'automne passé, j'ai juste utilisé les vélos électriques de la ville de Québec pour faire tous mes déplacements. Mais c'est pas par choix, puis montrer à quel point là, tu montrais patte blanche, que tu es un environnementaliste. Non, parce que pour vrai, c'est un de mes modes de transport préférés, oui, déjà. Puis aussi parce que c'était le plus rapide, puis parce qu'il y a des stations à vélo, il y en avait partout dans la circonscription. C'était vraiment plus facile. Ouais. C'est une petite circonscription, mais c'est aussi une des plus belles au Québec. Je veux dire. Genre, c'est quoi ton moyen de transport préféré? Ah ben oui, on en parle, ben oui, c'est ça. J'ai dit que déjà que le vélo, c'est mon moyen de transport préféré, mais à la base, je te dirais que j'ai un mode de transport préféré pour chaque type de déplacement. T'sais, pour venir de chez nous jusqu'à CKRL, on est assez proche, donc c'est la marche qui est mon mode de transport préféré. Pour faire une campagne électorale, pour aller au bureau, c'est le vélo mon mode de transport préféré. Pour aller à Montréal ou ailleurs, ben souvent c'est le train que je préfère. C'est un beau mode de transport, puis je trouve qu'on n'en a pas assez au Québec, mais colline que j'aime ça prendre le train. Puis en plus, ça prend un petit peu plus de temps, mais quand même, c'est spacieux, tu as le temps de faire ton travail de parlementaire, ben, oui. Tu as le temps de la paix, puis tout ça, donc c'est ouais, puis on mange bien, je peux même prendre une petite bière, puis ça, c'est vraiment le fun de prendre le train. Puis oui, on peut travailler, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Donc c'est on continue, question? C'est vrai, pas une dernière, mais encore quelques questions. Donc, genre, c'est quoi tes inspirations? Mes inspirations? Oh là là, c'est une grosse question, mais il y a plein de gens. Des personnes ou des gestes, des situations? Les deux. Donc, voici une question large. On essaie de la ramener. On la regarde large. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Il y a plein de gens, puis de... Bon, ça serait peut-être aller sur des gens, mais il y a plein de gens qui m'inspirent. Des personnes comme, je sais pas, Françoise David, par exemple. C'est une politicienne que je trouvais qui travaillait bien. Elle était capable de travailler, d'être critique par rapport au gouvernement, mais était capable aussi de d'être très constructif puis de faire du travail, même avec les députés des autres partis pour, tu sais, écrire des lois, par exemple. Ça, je trouve ça très inspirant, puis c'est une belle façon de fonctionner. Il y a des sportifs, des fois, qui m'inspirent beaucoup, parce que j'aime beaucoup le sport, mais mettons, comment il s'appelait, l'alpiniste? François Havard, c'est un scripteur. Pardon? François Guitivierge, non. C'est un alpiniste là, qui a fait plusieurs monts et... parce qu'il m'inspire en tabarouette. Mais c'est ça, toujours s'amener à se dépasser, franchir des nouveaux sommets. Oui, les athlètes m'inspirent beaucoup, puis j'aime beaucoup faire du sport moi aussi, puis je trouve ça beau de voir des gens se dépasser, s'investir comme ça. Les artistes m'impressionnent beaucoup aussi, j'adore comment ils arrivent à nous plonger dans un monde qu'ils ont créé, souvent de toutes pièces, je trouve ça fascinant. Moi j'ai une question pour toi, Étienne. Vas-y. Je pense que ça brûle les lèvres de tout le monde. De ce temps-ci, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu trouves justement très inspirant comme musique, là? Comme artiste québécois J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé la musique québécoise. Je te dirais que ça dépend. C'est un peu comme ma réponse sur le transport. Ça dépend vraiment qu'est-ce que je suis en train de faire. J'adore écouter du Jean-Michel Blais ou des trucs piano un peu planant pour quand je veux me concentrer. Ça, c'est quelque chose qui me met dans une espèce de bon état de concentration. Quand je vais courir, j'aime écouter des trucs qui sont vraiment plus rythmés, que j'adore. J'aime beaucoup aller voir des shows aussi. J'aime beaucoup tous les types de musique, mais souvent, je vais privilégier des artistes québécois, francophones, de chez nous. J'adore ça. Ça a toujours fait partie de mon monde. Mes parents écoutaient beaucoup de musique québécoise. Ils m'ont fait grandir avec Richard Séguin, Beau Dommage, Harmonium. Puis j'ai comme juste embarqué là-dedans. Quand je joue de la guitare, c'est à peu près juste du québécois que je joue aussi. J'adore ça. Ah donc, ça doit être tout un party avec toi puis Sol Zanetti en même temps. Les guitares puis let's go. Même mieux que ça, on s'est fait un 5 à 7 à l'Assemblée nationale. Il y avait Sol et moi qui jouions de la guitare. Puis on avait Alexandre Leduc qui avait amené son violon. Coudonc. Fait qu'on s'est fait une soirée de ça swingait dans les corridors de l'Assemblée. Et pourquoi pas? Ouais. Alors, Séverine, je te laisse une dernière question pour conclure avec ton invité de marque, ton père, Étienne Grandmont. Donc, papa, c'est quoi ton endroit préféré de ta circonscription? Il y a plein de choses de beau. Tu sais, tantôt, je disais que c'est la plus belle circonscription, je le pense pour vrai, parce que évidemment, il y a beaucoup de défis, là. Il y a beaucoup d'enjeux, logement, itinérance, transport, puis ça. Mais il y a tellement de belles choses dans la circonscription. Il y a plein de musées. C'est une grande chance. Il y a plein de belles rues commerciales avec plein de restos. J'adore les rues commerciales. Mais moi, il y a un endroit que j'ai toujours particulièrement affectionné, c'est les escaliers entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Il y en a plein. C'est des liens vraiment super intéressants. Tu as tout le temps une super belle vue. C'est le lien entre les gens, de la Haute et de la Basse. Puis moi, pour moi, il y a une symbolique très forte là-dedans aussi. Puis j'ai même appris que

pour la première mise. Et donc ça vaut 350, c'est ça qu'on a dit, donc on est à moitié prix. Exactement. Très bien, encore une belle aubaine, vous pouvez en profiter. C'est le lot numéro 25 sur l'encan CKRL. Vous allez sur le site ckrl.qc.ca pour découvrir tous les lots. On continue avec un autre univers. On va plutôt rester en Haute-Ville. Cette fois-ci, on va direction le Chicho Café, où là, on va pouvoir se gâter aussi. Trois personnes plus deux invités prestigieuses. Deux invités prestigieux. Oui, en effet, c'est un souper avec Paul André et Lou Adrienne Cassidy, ainsi que deux œuvres d'art de Jason Duval, donc le portrait de Paul André et le portrait de Lou Adrienne. Excellent, qui sont les porte-paroles du Radioton CKRL cette année. Et j'ai entendu dans l'oreillette il n'y a pas si longtemps qu'une entrevue avec peut-être Adrienne, je vais y arriver. On est là depuis de bonne heure ce matin. Serait donc en ondes d'ici quelques minutes. Soyez patients pour en découvrir un petit peu plus. Et pour revenir sur ce lot, c'est une valeur complète. Donc la table d'hôte pour en tout 5 personnes. 3 de vos invités, plus les deux porte-parole du Radioton de CKRL. Une valeur de $300. Et la mise actuelle est à $160. Très bien, eh ben parfait, voilà donc qui conclut ce segment. On revient dans quelques minutes, on a encore d'autres lots à vous détailler dans quelques instants. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté, un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. L'encan CKRL se poursuit jusqu'à demain soir avec encore une fois des lots à vous présenter. Louli est ma compagne depuis ce matin pour organiser ces présentations. On aime ça et on est surtout très fiers de pouvoir vous présenter une nouvelle fois. Là, c'est le descriptif que j'ai sous les yeux est assez long. Là aussi, on parle de presse de l'Université de Laval qui offre de nombreux ouvrages qu'on peut s'offrir d'un coup d'un seul. Exactement, 9 nouveautés. Très bien. D'une valeur de $200. Vous pourriez être le premier à miser, le prix de départ est de $100. Exactement, là aussi on parle un petit peu de choses différentes, on parle de l'histoire, on parle de culture, on parle d'organisation de société. Là aussi, si des fois vous avez le temps et l'envie d'en savoir un petit peu plus sur tout cela, rendez-vous sur le site de CKRL, vous misez sur l'encan et ça c'est le lot numéro 28. Et pour revenir sur quelque chose d'extrêmement pragmatique, en direction la Grande Allée maintenant avec la Brasserie Linox qui fait partie des partenaires de CKRL. Et là encore une fois, c'est un certificat cadeau qu'on peut gagner avec l'encan. Exactement. Bah gagner, en fait, même pas gagner, c'est à s'offrir. C'est un certificat cadeau de combien? C'est un certificat cadeau de $100. Exactement. Et la mise actuelle est de $60. Ok, donc vous avez encore un $40 qui reste dans votre escarcelle, si on peut dire. Ça ferait partie du jeu de l'encan CKRL. On vous le rappelle, tous les lots qui sont là, en fait, à chaque fois que vous misez dessus, évidemment, c'est le lot, l'encan le plus élevé qui va le remporter, mais c'est à chaque fois aussi une contribution pour aider CKRL dans sa mission quotidienne à toute l'année longue. Donc, on compte sur vous. C'est le but de ce Radioton, qui se poursuit d'ailleurs avec Jean-Sébastien Grondin et ses invités, que dirais-je, ses jeunes invités, dans quelques instants, qui continuent, qui sont en onde avec nous jusqu'à 14h. Bonjour, nous sommes Adèle, Laure, Charlotte Gore et Marie du Macha Club. Vous écoutez le Radio-Tonton de CKRL 89.1. On est là. Oula. On va les séparer les trois. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'École Saint-Fidèle. Présente du Radioton de CKRL 89.1, ce 50e anniversaire de cette belle radio communautaire, ce Radioton qui réunifie tous les artisans de CKRL et surtout, on en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui, cette émission très, très spéciale, cette édition de Saint-Fidèle au poste, je m'entretiens avec des enfants de l'école Saint-Fidèle, mais surtout, je leur laisse la parole. Question d'interviewer leurs parents, parce que, comme je disais en introduction d'émission, à Limoilou, on a plein de gens, toutes sortes de personnes. On a des gens, on a des artistes, on a des politiciens, on a des gens impliqués dans le communautaire. Et on a également, comme je dis, des auteurs, compositeurs, interprètes de qualité et quand même de d'une certaine renommée ici même à travers la province de Québec. En entrevue aujourd'hui, on a Alexandre Martel et notre co-porte-parole du Radioton de cette année, Lou-Adrienne Cassidy. Et en entrevue, tout est exclusif et spécial, on a la jeune Odile Martel, élève de deuxième année de l'École Saint-Fidèle. Comment vas-tu? Bien. Oui, ça va bien. Donc, tu es contente d'interviewer ton papa puis oui. sa copine? Bon. Fait que, vas-y, je te laisse la parole. Tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Quels sont vos futurs projets? Ben, ça c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais dans l'immédiat, c'est la tournée qui se poursuit. Là, l'été, il y a toujours beaucoup de spectacles, la tournée des festivals, autant dans mon projet Anatole qu'avec Lou-Adrienne, qu'avec... on accompagne aussi Thierry Larose, donc on a beaucoup de spectacles avec lui cet été. Tété. Puis, ouais, Tété, comme plus intime, comme on dit de l'appel. Puis... sinon, il y a quelques disques dont je termine la réalisation ces temps-ci, là, notamment le prochain Alex Burger, le prochain Zouz et le prochain Valence qui sont sur la table. Ça brosse. Moi aussi les spectacles, mais c'est en train de tranquillement en avoir moins, puis j'essaie d'écrire des chansons, mais je trouve ça difficile. Vous arrivez d'une tournée en France, comment ça a été, là? Deux, trois semaines, là? Comment? C'est trois semaines. Ouais, trois semaines. Comment ça a bien été? C'était le fun, mais c'était... Il y en avait des fun, il y en avait des moins le fun, comme toute la tournée. À Paris, c'était vraiment trippant. On a eu droit à un spectacle où il n'y a personne qui écoutait à Riorges, puis qu'il y a du monde qui prenait des substances illicites dans la salle, puis qui n'écoutait pas pantoute. Mais fait que ça dépend, c'est super variable, mais non, c'était vraiment le fun. C'est le fun en gros. Mais on aime ça revenir au Québec. Ouais. Comment avez-vous appris à jouer de la musique? Tu vois, Lou puis moi, on a des parcours très différents pour ça. Là. Moi, j'ai appris un peu comme toi, j'imagine, au début à l'école primaire. Mais moi, dans mon temps, on jouait de la flûte à bec. Toi, c'est pas ça que vous jouez à l'école, hein? Qu'est-ce que vous jouez à l'école? De la batterie, des choses comme ça. Ça, c'est plus cool quand même. C'est quoi dans votre pièce, là, pour le spectacle de fin d'année, là, avec notre professeur Philippe Drouin, qui est un guitariste de heavy metal? Mais ah, oui. C'est quoi votre pièce en... Je pense que tu connais le titre, mais tu connais pas le titre, mais tu connais les notes. Tu l'appelles par la suite ah de oui. notes. Là. C'est pas mi sol, mi ré do si. Oui. Seven Nation Army. Là, Seven Nation Army de White Stripes. Ouais. OK, c'est bon. C'est rock. Puis, alors, Alexandre, tu dis que toi, tu c'était la flûte à bec. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ça a été pas mal par moi-même là, en voulant essayer de jouer les chansons que j'aimais. Là, donc, c'est beaucoup d'heures passées dans ma chambre à être très mauvais. C'est ça, mon parcours. Moi aussi, j'ai commencé jeune. Je prenais des cours de violon à 4 ans. Puis j'arrêtais à 12 ans, ouais. Je prenais des cours de violon à 4 ans, mais j'étais pas très bonne, puis je pratiquais pas. Ce qu'il faut pas que tu suives mon exemple. Je pratiquais pas, puis j'étais pas bonne. Mais après, je suis allée à l'école en musique, puis j'en ai fait pendant longtemps, hein, jusqu'au cégep. Quels sont vos défis en tournée? Le plus grand défi en tournée, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais je pense que c'est d'essayer de maintenir un semblant d'équilibre et de vie normale au travers de ça, parce que être en tournée, c'est pas mal travailler 2 heures puis attendre 10 heures. Donc c'est comme c'est essayer de garder des habitudes qu'on essaie tellement de, qui c'est déjà difficile de se construire un semblant de, je sais pas, de quotidien puis de routine dans nos vies. Puis c'est comme quand on part, ça prend tout le bord, puis c'est vraiment difficile de le maintenir. Même quand on revient, c'est comme si ça, c'est toujours à recommencer. Ça, c'est le plus difficile, je pense, de la tournée. Bon, on essaye. Ben, l'énergie aussi, hein. L'énergie aussi, hein. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, dans les transports, quand vous arrivez d'Europe, puis moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais. Tu sais, on a un spectacle le soir. Après ça, on va se coucher avec le peu de temps qu'on a. On se réveille le lendemain matin. On saute dans un train. On faut se faire un 6 heures de TGV. Puis après ça, on est catapulté dans une nouvelle ville, une nouvelle réalité. Mm-hmm. Donc, il faut garder l'énergie. Il faut toujours être. C'est qu'on a surprenamment aussi jamais le temps vraiment de voir c'est où qu'on est. Non, tu vis ça. Un peu tout le temps dans une espèce de pseudo-rêve entre deux affaires. Puis c'est le fun en même temps, mais faut que tu décides de t'embarquer à 100% là-dedans puis c'est pas glamour là, comme on pourrait l'imaginer. Non, là. vraiment pas. C'est beaucoup, c'est beaucoup d'attentes. Puis, exact. Puis le party, ça se fatigue vite, fun. Je te dirais. C'est ça. Ça non, mais ouais, ça moi, j'ai arrêté. je peux plus. Je peux plus me permettre. Moi, j'étais capable de maintenir, là, tu sais. Murdoch me disait que j'étais comme un solide compétiteur, mais non, il y a des soirs que, des fois, peut-être la prestation va en pâtir, tout ça. Ben, c'est ça. Alors, une dernière petite question. Ensuite, on va aller en prestation avec Alexandre et Lou. Adrienne. Quelle est la force de votre groupe? La force. C'est vraiment une bonne question, C'est vraiment une bonne question, parce que c'est... Ben, je sais pas. Quel groupe, en fait? Ben, je sais pas, dans ma tête, j'allais dire ton groupe. Mon groupe, oui. Mon groupe, moi, je pense que c'est la... Je vais parler, mais je te coupe-tu? Non, vas-y. Je pense que c'est que chaque musicien, individuellement, ils ont beaucoup d'énergie, puis ils ont beaucoup à donner, puis ils ont toutes leurs chansons individuellement aussi, puis ça paraît. Tout le monde a une identité forte dans le band. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, je suis d'accord avec toi que c'est comme une espèce de cocktail de personnalité qui marche... De personnalité forte qui marche bien, puis c'est aussi... Comme dans toute dynamique de groupe qui fonctionne bien, chacun a rapidement trouvé sa place et son rôle dans la dynamique de autant d'arrangement que de création. Puis ça fait que tout le monde se sent. J'ai l'impression que tout le monde se sent valorisé par son apport. Puis il n'y a pas de ces espèces de d'imbroglio. Puis de rapport de force. De rapport de force. Moi, je conclurais sur cette question-là. Une très bonne question, d'ailleurs, Odile. Puis je vais vous inviter, Lou et Alexandre, à vous préparer pour cette prestation. Oui. Puisque on parlait, c'est quoi la force? Bien, je pense que c'est cette complicité qui vous unit. C'est de l'amour, de l'amitié. Et surtout, ce beau charme que vous avez ensemble de jouer et de composer ensemble. Une pièce que vous avez composée pendant la pandémie. Donc, une pièce tout en douceur, une petite samba. Donc, des styles, un style que vous n'aviez pas peut-être à apprivoiser. Mm-hmm. Vous êtes arrivé avec ce petit bijou-là en pleine pandémie. Alors, je vous laisse nous l'introduire pour vos oreilles et toute cette belle auditoire de CKRL. Voici Alexandre Martel et Lou-Adrienne Cassidy en prestation unique. C'est un faux, hein? Excusez-moi, la maison. Mais ce soir, je cède à l'usure, usiner, lessiver, les sirènes sont loin, déjà mes lendemains s'y mêlent. Longtemps, longtemps, c'est long, long. Temps à attendre, à tout donner, la tête et le doigt levé. Sans toi, pour tout oublier. tout donné, la tête et le doigt levé. Sans toi, pour tout oublier, et ce soir, couvre les blessures démodées, délavées, descendues de ma veille. Non, rien n'est plus pareil, non plus rien. Non plus rien, non plus rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre et Lou. On vous invite à venir nous rejoindre pour ce dernier segment d'entrevue. Donc, cette pièce-là, vous aviez composé ça dans toute intimité lors de la pandémie en 2022. Vous aviez sorti ça en catimini. Moi, j'avais vu ça passer ça sur notre fil de Facebook. Puis j'ai trouvé ça dombain. C'était dombain cute. C'était dombain pour vrai. Puis j'ai encore la même émotion comme pour la première fois que je l'entendais. Donc, qui est arrivé avec cette idée-là de un peu changer le style? On déplogue les guides, on fait ça comme gentil. Si je me rappelle bien, la chanson, il me semble que j'avais comme le début de la chanson, mais c'était pas une bossa nova. Puis on l'a changé à cause des Dirty Projectors. C'est ça, en fait, c'est qu'on écrivait, c'est dans le temps où on écrivait un peu, on essayait d'écrire des chansons pour l'album de Paul André qui est en train d'être terminé. Là. Puis il y a des chansons qu'on a fait qui sont retrouvées là-dessus, mais donc il y avait comme une petite idée mélodique, quelques accords, puis on aimait, comme Lou le disait, beaucoup une chanson d'un groupe américain qui s'appelle Dirty Projectors, qui ont fait une espèce de bossa nova aussi, fait qu'on s'est dit pourquoi pas nous aussi, tu sais. Holy Mackerel, ouais. Ouais, puis c'est drôle parce que comme quand on écrivait, moi c'est comme si j'ai des connaissances théoriques, mais tu sais, il y a plein d'extensions là, puis d'affaires, puis tout ça, puis pour trouver les accords, c'est comme si je savais comme pas dans ma tête, fait que je faisais juste chanter les notes de l'accord, puis j'étais comme ça, puis là on checkait sur le manche. En tout cas, mais c'est le fun. C'est un, je sais pas, c'est le fun de brasser les cartes, puis de pas nécessairement toujours faire les mêmes styles. Puis quand on collabore, je trouve que ça nous permet de faire ça, on a moins cette pression là de devoir représenter tout le temps ce qu'on a toujours fait comme artiste individuel aussi. C'est comme au tout début de notre collaboration en tant qu'auteur compositeur aussi là, c'est comme dans les premières tunes qu'on écrit ensemble, fait que ça a été très très rapide là. Une fois qu'on avait l'idée de base, ça a pris comme une matinée, puis la chanson était terminée par Hall Music, fait qu'on ça a comme confirmé le fait que c'était une collaboration qui était fertile. Puis c'est là qu'on a trouvé qu'on écrivait vraiment plus vite ensemble. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Exact, ça s'est fait vite, là. Odile, tu as une autre question à poser à Alexandre et Lou, vas-y. Quels sont vos artistes qui vous inspirent? On parlait de Tea Projectors. Ben ouais, c'est inspirant. Mais au-delà de ça? Ben, tu sais, il y a comme les éternelles inspirations, là, comme Lou le disait en pointant l'affiche de Bob Dylan qui est dans l'entrée de la station. Je suis dans une, c'est comme ma deuxième phase Dylan, mais celle-là elle s'étire très longtemps là. Ok, une pas... phase, je sais pas si j'appellerais ça une phase là. Mais c'est parce que j'ai 4 ans, non, mais j'ai comme une phase Dylan entre 18 à 22, puis là depuis 2 ans c'est écoute, 70 ans de carrière là, c'est dur à limiter là. Mais là, non, mais lui puis Thierry dans la van là, il écoute des deep cuts de vieilles répétitions. Des fois on écoute des répètes. Tellement bon, les bootleg series, ouais, que j'ai dit, on est rendu à quoi, 12 Non, même des trucs qui sont pas sur les bootleg series, c'est vraiment des enregistrements de répétition. Puis on dit, il a changé tel mot, telle place, c'est incroyable. Oh, wow. vrai fan. Puis sinon, une autre inspiration constante dans les dernières années, c'est notre parrain à tous les autres compositeurs de Limoilou. J'ai nommé Sylvain Lelièvre. On essaie de peine et de misère à ramener au devant de la scène, puis à célébrer son héritage qui est, à mon avis, trop peu. Et d'ailleurs, on a son frère ici. Donc, on a son frère ici, Denis Lelièvre. Mais c'est vrai, pour moi, c'est... Denis, de patriarche de CKRL, cet invité d'honneur, ce porte-parole invité, honorifique, ouais. 50 ans de radio en continu. Il était un des premiers à avoir pris le micro en 1973. Il est ici avec nous. Fait que, c'est même pas voulu, Denis, qui parle de ton frère comme ça. Là. Non, mais je l'avais lu à l'écrit, puis j'avais hâte de te rencontrer. C'est bon. On en parle après. Oui, c'est ça, on va en parler après. Donc, Sylvain Lalièvre, parce que toi, tu revisites un peu ce répertoire en disant que, Mais il y a la richesse là-dedans. Oui, beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs de cette génération qui sont très justement célébrés, là, notamment ton Michel Rivard qui est toujours dans les médias et tout. Puis on dirait que, pour moi, le répertoire de Sylvain est sur le même pied d'égalité que celui de Michel Rivard. Puis je trouve que, justement, ne serait-ce que dans les, je sais pas, d'un point de vue de diffusion ou d'un point de vue connaissance de ces chansons chez les jeunes auteurs-compositeurs, on dirait que c'est un peu moins mis de l'avant. Puis je sais qu'avec Lou et Thierry Larose, qui est un grand fan aussi de Sylvain, on essaie de. Alors, un hommage peut-être dans un futur projet, pourquoi pas? Ben, je pense que vous avez l'aval de la famille ici. Lou, on a parlé des choix musicaux d'Alex, mais les tiens. Est-ce qu'on peut parler d'interprètes féminines qui t'inspirent ou quelque chose comme ça? Ben oui, full. Es-tu plus Blondie ou Joan Jett? Je suis aucune des deux. Ma connaissance, mettons, de musique, mettons, anglo-saxonne, puis tout ça, c'est fait vraiment sur le tard. C'est comme absurde à quel point moi j'ai grandi en écoutant, puis c'est une vraiment bonne chose, mais en même temps, il y a plein de choses, plein d'influences potentielles. À côté desquels je suis passée, desquels je suis peut-être passée à côté, puis que je redécouvre notamment avec Alex puis tout ça, puis c'est comme si il y a plein d'influences d'artistes peut-être contemporaines, des genres de pop stars un peu alternatives en ce moment anglophones qui m'inspirent beaucoup ces temps-ci, notamment Caroline Polachek, Mitski, c'est comme tous des artistes, je sais pas, je trouve ça super intéressant de prendre les codes de la pop, essayer d'en faire quelque chose un peu différent, pis c'est ça que je fais dans ma musique, puis c'est comme si la musique québécoise, bien sûr, m'inspire autant, mais c'est rendu tellement un milieu que je connais avec des gens que je connais, des amis puis tout ça, que c'est pas le même regard, il y a pas la même distance qu'il y avait quand j'étais ado puis que j'écoutais Claude Bellegag les yeux dans l'eau. Et on termine cette magnifique émission de Saint-Fidèle au poste. Merci beaucoup Lou de tes confidences. Merci beaucoup Alexandre. Merci Odile. On termine cette belle émission de Saint-Fidèle au poste tout à fait spéciale avec les enfants et leurs parents. Et on termine tout ça en musique. Alexandre, Lou, Adrienne, on vous laisse les derniers mots tout en musique, tout en paroles. Merci de votre belle présence à CKRL. C'est un bel addon parce que c'est une chanson dans laquelle je paraphrase un peu la chanson La Basse-Ville de Sylvain Lièvre. C'est vrai. Midi, quand on vient de la Basse-Ville, on vient pas de la Haute-Ville. On aurait dû t'arranger avec le gars des vues. Hein? C'était pas prévu. Mais bon. Tu as peur de tout et moi je ne crains rien. Toi, tu tends l'autre jour, je parle avec mes poings. Je cherche la lumière, mais je ne sais plus dans quelle poche elle se trouve. Ça te déçoit beaucoup, mais au fond, je m'en fous. T'essaies d'aimer l'amour. Je mange plus qu'à ma faim. Tu danses avec le jour. Je ne pense qu'à demain. Toi, tu viens de la haute. Et moi, je viens des ruelles de Limoilou. Je suis né à genoux. Ensemble, on tient debout. Tu me diras quand ils arrivent, je ne suis pas habillée. Je ne sais pas par où commencer. Attends. Tu et je m'en lave les mains. Tu ne prends aucun détour, moi je pars de plus loin. Le mal n'existe pas, si ce n'est dans le refus du labour qui nous incombe à tous. Le reste, je m'en fous. Tu me diras, s'ils ont sommeil, je les abrierai. Une autre nuit à traverser. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'École Saint-Fidèle.